L'associationnisme, le polythéisme, eh bien, dans le monde, eh bien, était, eh bien, se reposait sur yani, deux points. Il y avait deux points. Soit, amma al-jiha al-oula, fahuwa al-shirk bil-i'tiqad bi-rouhaniyat al-kawakib. C'est l'associationnisme dans la croyance que les planètes ont des esprits, l'esprit des planètes. D'accord? Kama kana shirk qawm Ibrahim alayhi salam. Fa inna Ibrahim ata ila qawmihi ya'buduna al-asnam allati hiya musawwara ala suwar rouhaniyat al-kawakib. Eh bien, donc, ça, c'est le premier point, en fait, dans tous les types d'associationnisme, en fait, qui se déroulent dans le monde. Eh bien, il y a le premier point ici, c'est que hein, l'associationnisme dans la croyance que les esprits, yani, qu'il y a un certain esprit dans les planètes. D'accord? Comme cela était l'associationnisme hein, du peuple de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, eh bien, était allé voir son peuple qui adorait, son peuple adorait les statues. Qui était sous l'image, hein, sous l'image des, yani, sous l'image des esprits de ces planètes-là. Yani, c'était des statues taillées sous la forme des planètes, etc. Et puis, eux, ils adoraient ces statues-là parce qu'ils pensaient que l'esprit était à l'intérieur de ces statues-là. D'accord? الكواكب الخاصة التي يعتقدون أن لها تأثير في الملكوت. Donc, ce qu'il y a, c'est que le peuple de Ibrahim alayhi salam, c'est qu'ils adoraient en fait ces statues-là avec la forme de ces planètes-là, et qu'ils considéraient qu'il y avait donc cet esprit-là dans ces statues-là qu'ils adoraient. Et ce peuple-là d'Ibrahim alayhi salam, bien son peuple considérait que il y avait certaines planètes, hein, qui avaient une spécificité qui pouvait avoir un certain impact dans le royaume. Yani. Abadul Asnam ou al-Awthan. Donc ils ont adoré les statues ou les idoles. Lianna arwah tilka al-kawakib tahl fiha. Donc c'est ce que je disais. Le Cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah, il dit, eh bien parce que ils adoraient soit les statues ou soit les idoles, parce qu'ils considéraient que les esprits de ces planètes étaient à l'intérieur de ces statues ou bien de ces idoles. D'accord? والشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم. Et les diables, eh bien, rentrent à l'intérieur de ces statues et de ces idoles et s'adressent à ces gens-là. Et peut-être qu'il est arrivé, pendant qu'eux, ils étaient en train d'adorer ces statues ou ces idoles-là, et puis leur demander des choses, peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Hein? Il est arrivé quelque chose que eux, ils voulaient. Donc, ils ont été, hein, ils deviennent convaincus de leur associationnisme. D'accord? Et donc ils se sont mis à commettre donc de plus en plus en étant convaincus cet associationnisme-là. وزادوا على الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تفعل وروحانية الكواكب هي التي تخاطب. Donc comme disait le cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah, donc ils adoraient ces statues-là et ces idoles en dehors d'Allah Azzawajal. Ils adoraient ces statues-là. Ils adoraient donc ces statues-là et ces idoles en dehors d'Allah Azzawajal. Et ils adoraient quoi en fait? Parce qu'ils considéraient que les esprits des planètes entraient à l'intérieur de ces statues et de ces idoles. Et les diables aussi entraient à l'intérieur. Et donc, les diables leur parlaient et eux, ils considéraient que ça venait de ça, de l'esprit de cette planète-là qui peut avoir un impact dans le royaume. D'accord? Et donc, il a dit, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, et donc ça les a convaincus dans leur associationnisme, et ils ont continué et augmenté leur associationnisme et leur polythéisme. D'accord? en croyant que, eh bien, ce sont ces planètes-là qui font ces choses-là, et que ce sont les esprits de ces planètes-là, d'accord, qui sont en train de leur parler. Qala jalla wa ala. Allah azza wa jalla a dit: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Et c'est ainsi que nous avons montré à Ibrahim, dans la traduction du sens du verset, dans la traduction du sens du verset 85 de Sourate Al-An'am, c'est ainsi que nous avons montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. Et quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit: voilà mon Seigneur. D'accord? Donc là, ici, il y a un point en fait important qu'on doit comprendre pour comprendre ce verset-là. Et c'est ce que va souligner le cheikh Salih al-Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. Il dit concernant ce verset-là. Donc on a bien vu ici, lorsque on lit le verset tel qu'il est traduit, en traduction du sens du verset, ainsi nous avons montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit: voilà mon Seigneur. D'accord? فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Et donc c'est ce que dit le cheikh ici. Salah al-Sheikh dit: وَالْعُلَمَا اخْتَلَفُوا هَلْ كَانَ نَاظِرًا أَوْ مُنَاظِرًا. Donc les gens de science donc ont divergé sur cela. Est-ce que il était en train d'observer, par exemple la lune ou le soleil, comme je vais vous lire, inshallah, les traductions du sens des versets. Donc est-ce qu'il était en train d'observer ou est-ce qu'il était en train d'argumenter avec son peuple? C'est ça, d'accord? Est-ce qu'Ibrahim alayhi salam, il était en train d'observer ou est-ce qu'il était en train d'argumenter avec son peuple? Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit: والصحيح الذي يضاعف غيره أن إبراهيم عليه السلام كان في قوله هذا ربي كان مناظرا لا ناظرا. Donc ici c'est un point en fait bénéfique, ولله الحمد, que le cheikh Salih et le cheikh Hafidhullah rapporte. Il dit, lorsqu'on lit le verset, d'accord, quand la nuit l'enveloppa, il l'observa. Il l'a vu, il l'observa, l'étoile, d'accord, et il dit: voilà mon Seigneur. Donc là, c'est dans voilà mon Seigneur ici. Le fait qu'il dit voilà mon Seigneur, est-ce que maintenant on le comprend par le fait qu'il observa l'étoile et donc il dit voilà mon Seigneur, ou bien il observa l'étoile, c'est sur ça, c'est ce que dit le shirk, que les savants ont divergé. Donc, est-ce qu'il observa donc l'étoile en disant voilà mon Seigneur, mais en disant cela, c'est pour débattre avec son peuple, d'accord? Pour débattre avec son peuple. Dans quel sens? Il dit pas, c'est pas il observa l'étoile et puis lui, eh bien il l'a vu et puis il s'est mis à se dire voilà mon Seigneur et puis il n'était pas sûr et puis lorsqu'elle disparut, il dit je n'aime pas les choses qui disparaissent et qu'il était en train de chercher où est Allah. Ce n'est pas ça qui est voulu ici. En fait, ce qui est voulu, c'est qu'il était en train de débattre avec son peuple. C'est-à-dire que il observe l'étoile et il leur dit « Voilà mon Seigneur ». Puis lorsqu'elle disparut, il dit « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Pourquoi en fait il faisait cela? Et vous trouvez ça en fait, cette explication qui est dans Tafsir al-Sa'di. Eh bien, il faisait cela dans le but de prouver à son peuple que leur religion est fausse. Que leur religion est fausse. Vous adorez la lune, regardez, elle a disparu maintenant. Vous adorez le soleil, regardez, elle a disparu. Vous voyez, lorsqu'on lit les versets, barakallahu fikum, lorsqu'on lit les versets, dans la traduction du sens des versets, quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite, il observa la lune se levant, il dit, voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. D'accord? Et lorsque vous continuez à lire le verset, les autres versets, 78, lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit, oh mon peuple, Je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Donc on comprend bien, barakallahu fikum, que lorsqu'on lit ces versets-là, ce n'est pas que Ibrahim alayhissalam, il voit les différentes créatures, que ce soit les étoiles ou la lune ou le soleil, et puis il se dit, eh bien, c'est peut-être lui, Allah, c'est peut-être... ce n'est pas ça qui est voulu. Comment on comprend cela? C'est que, en fait, comme vous trouvez, comme je vous ai mentionné dans Tafsir al-Sa'di, c'est que il leur dit cela à son peuple, il est en train, en fait, argumenter, il est en train de débattre avec son peuple, d'accord, dans le but de prouver à son peuple que leur religion est fausse. C'est pour cela que lorsque ensuite vous lisez le verset par la suite, je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Et on continue dans la traduction du sens des versets. Son peuple disputa avec lui, mais il dit, allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah, alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve. Lequel donc des deux parties a le plus le droit à la sécurité? Dites-le si vous savez. Là, on comprend bien, barakallahu fi, comment? Donc ça, ce sont les versets, hein, des versets donc 75 à 81. 75 à 81. Et lorsque vous lisez dans le verset 75, dans la traduction du sens du verset, ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. D'accord? Donc là, on comprend bien, barakallahu fi, comme que lorsqu'il observait, hein, les différentes créatures, que ce soit les étoiles, la lune, le soleil, ce n'est pas est-ce qu'il est en train de douter, il est en train de chercher c'était qui Allah. Non, il était là en train de disputer avec son peuple, en train de débattre avec son peuple sur cela, en leur montrant, regardez ce que vous adorez, regarde, elle disparaît. Elle ne mérite pas l'adoration. Regardez cela, elle disparaît. Et c'est pour cela qu'ensuite il leur dit, je me désavoue, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Et lorsque vous lisez, après avoir lu tous ces versets-là, ce qu'Allah Azzawajal dit dans la traduction du sens du verset 82 de Sourate Al-An'am, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité ou par quelque injustice, yani ici c'est l'associationnisme, ceux-là auront la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ils auront la sécurité. C'est-à-dire que Allah Azzawajal nous montre que Ibrahim alayhissalam aura la sécurité et il sera bien guidé. Et il n'a pas à craindre, eh bien, ces divinités-là qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ce sont des divinités, la lune, les étoiles, ça, ils les ont mis au rang de divinités. Et on sait que ce sont des fausses divinités, car elles ne méritent en rien l'adoration. Ce sont des divinités car les gens les adorent, mais elles ne méritent en rien l'adoration. Donc il leur dit bien clairement, hein, il leur dit bien clairement, je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez, que vous donnez à Allah. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. D'accord? Barakallahu fikum. Donc ça, c'était un point, alhamdoulilah, une faïda qui était importante de ce point-là à souligner. Donc on voit que dans le monde, le premier point ici, les différents types d'associationnisme, eh bien c'est le fait que les gens, c'est dans la croyance, eh bien que les planètes ont des esprits et donc ils construisent des statues en s'adressant à ces statues-là ou à ces idoles-là, en pensant que l'esprit de ces planètes-là, eh bien, réside dans ces statues-là, et que ces planètes-là peuvent contrôler des choses, alors que ce sont des diables, hein, qui rentrent à l'intérieur et qui parlent à ces gens-là. Ça, c'était pour le premier type de shirk que l'on peut trouver dans le monde. Et le deuxième type parmi les types de shirk, shirk qawm Nuh, c'est l'associationnisme, le polythéisme du peuple de Nuh. عليه الصلاة والسلام وهو الشرك من جهة الاعتقاد بروحانية وأرواح الصالحين. Donc ici, c'est l'associationnisme, le polythéisme dans la croyance Et il y a dans la croyance que des esprits des vertueux et des âmes des vertueux. D'accord? Qala ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Oued et Suwa' et Yaghouth et Ya'ouq et Nasra. Donc c'est dans la traduction du sens du verset 23 de Sourate Nuh. Thabata fi Sahih al-Bukhari. Il a été authentifié dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, min hadith Ata an Ibn Abbas annahu qal. Du hadith donc de Ata qui rapporte de Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de tous, qu'il a dit, هذه أسماء رجال صالحين. Donc ces noms-là qu'on a mentionnés dans le verset, hein, que ce soit Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasra, il dit Ibn Abbas radiallahu anhu, eh bien ce sont des noms, eh bien, de gens vertueux. هذه أسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح. Donc ce sont des gens, ce sont des noms des gens vertueux qui étaient du peuple de Noé. وَوَقَعَ الشِّرْكُ بِهَؤُلَاءِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُمْ صَالِحُونَ. Et l'associationnisme donc s'est donc déroulé. Hein, les gens se sont mis à adorer ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vertueux. الْعَرَبُ وَرَثُوا الشِّرْكَ بِالصَّالِحِينَ. Donc les Arabes ont hérité de l'associationnisme, hein, de l'associationnisme des vertueux. Donc ils ont associé à Allah Azzawajal qui des hommes vertueux. Donc les Arabes ont hérité de ce type d'associationnisme-là. C'est-à-dire qu'ils associent à Allah des vertueux. Donc ils ont adoré de nombreuses statues et de nombreuses idoles. Abadullat, donc ils ont adoré Lat, il dit Wallat kana makanan. Il dit Lat, c'était quoi? C'était un endroit. Kana qabran tuhallu fihi rouhaniyat dhak. Kama ya'taqiduna wa mathalu alayhi sanaman fasaru ya'budunahu wa hiya ash-shayatin tatala'ab bihim. Donc Lat, c'était quoi? C'était un endroit. D'accord? Il y avait donc une tombe là-bas et que donc il disait qu'il y avait donc l'âme, l'esprit donc qui était à l'intérieur donc de ce d'esprit donc yani qui était à l'intérieur donc de cette tombe là dans cet endroit là d'accord, comme eux ils croient. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont ils sont mis à lui construire une statue donc au-dessus donc de cet endroit là et ils sont mis à l'adorer, hein, en dehors d'Allah Azza wa Jal, d'accord. Et en fait ce sont quoi? Ce sont des diables en fait qui jouaient avec le mental des gens là-bas. وكذلك العزة. C'est ainsi pour العزة. والعزة شجرة. العزة c'était quoi en fait? C'était un arbre. D'accord? العزة c'était un arbre. ومنات صخرة. منات c'était quoi? C'était un roc. وكان عند الشجرة رجل صالح يتعبد. Et il y avait donc auprès donc de l'arbre un homme vertueux, d'accord, qui était dans l'adoration. وكان عند منات صالح يتعبد. Et il y avait donc au niveau de Manette là, qui était un roc, un quelqu'un de vertueux qui était dans l'adoration. D'accord? وجعلوا ذلك سببا لكي يرفع اولئك الحوائج لهم الى الله جل وعلا. Et donc ils sont mis à prendre ces vertueux là et les âmes de ces vertueux ou les esprits de ces vertueux là en croyant donc en eux, hein, en les rendant au statut, en disant que bien ceux-là ce sont des awliya, c'est-à-dire des bien-aimés d'Allah, d'accord. Et ils ont rendu cela comme une cause afin que ces morts, eh bien, puissent donc élever leurs besoins auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, ils se mettent à adorer ce mort-là et qui, selon eux, selon leurs croyances corrompues, ce mort-là donc va aller dire à Allah Azza wa Jal. Le cheikh Salah al-Sheikh Hafidhullah, il dit: إذا تأملت حال العرب وجدت أن الشرك حصل من العرب. Si tu te médites sur l'état des Arabes, eh bien tu te rends compte que l'associationnisme, eh bien, est provenu des Arabes. كما أراد الشيخ رحمه الله تقريره في هذه القاعدة الثانية. C'est ce que le cheikh rahimahullah donc a voulu mentionner dans cette deuxième règle, anna shirk hasala min al-arab, que l'associationnisme, eh bien, est donc est dû aux Arabes. Kama sayati bi unas salihin. D'accord? Comme on le verra, ils sont mis associés à Allah Azzawajal avec qui? Avec des hommes vertueux, des gens vertueux. Ou anna shirk waqa'a bi aliha li ajl talab al-qurba wa al-shafa'a. D'accord? Ou bien que l'associationnisme, lorsqu'ils ont associé à Allah Azzawajal, eh bien, en adorant donc ces idoles-là et ces statues-là, et donc ces divinités-là, parce qu'ils se sont mis à les invoquer et les adorer en dehors d'Allah, ils l'ont fait pourquoi? Eh bien, dans le but de demander d'être rapprochés d'Allah et demander l'intercession. لا لأجل أن هذه مستقلة لها شيء من الربوبية أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية. Donc c'est ce que dit ici le cheikh. Il dit donc pourquoi ils sont mis à adorer donc ces divinités-là. C'est pas ils sont mis à les adorer dans le but juste pour les adorer, d'accord, comme on l'avait vu la semaine passée. Mais ils les adoraient afin de demander qu'ils se fassent rapprocher d'Allah Azzawajal, mais ils les adoraient également afin de demander qu'ils intercèdent en leur faveur le jour de la résurrection. D'accord? Et donc ils ne les adoraient pas juste comme ça, indépendamment d'Allah Azzawajal, ou bien parce qu'ils pensent qu'ils avaient des attributs de la seigneurie ou quoi que ce soit. Non, ils savaient que le seul créateur, c'est Allah Azzawajal. Mais voilà pourquoi, en fait, ils adoraient ces idoles-là et ces divinités-là en dehors d'Allah. Pour se rapprocher d'Allah et pour demander l'intercession. Il l'a demandé à qui? À ces fausses divinités. Donc, ils n'adoraient pas, donc, cela, ces divinités-là, ces fausses divinités-là, donc, en dehors d'Allah Azzawajal, de façon indépendante. Ils ne croyaient pas, donc, que ces idoles et ces statues, ou bien ces tombes, ces morts qu'ils adorent en dehors d'Allah, ou n'importe quelle créature qu'ils adorent en dehors d'Allah, ils ne pensaient pas qu'ils avaient soit un attribut de l'adoration, ou soit un attribut de la seigneurie, indépendamment d'Allah Azzawajal. D'accord? Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc ils adoraient ces créatures-là dans le but de se rapprocher d'Allah Azzawajal. Que ces statues-là, ou ces idoles-là, ou ces morts-là, ou ces tombes-là, eh bien, les rapprochent d'Allah Azzawajal en les adorant, ou bien en demandant donc à autre qu'Allah. Et le fait d'invoquer ou de demander à autre qu'Allah, eh bien, cela, c'est de l'associationnisme majeur. D'accord? Donc, eux, ils adoraient ces statues-là dans le but de se rapprocher d'Allah Azzawajal, ou de recevoir l'intercession, d'accord, de par ce qu'ils adorent auprès d'Allah Azzawajal. Donc ils ne les prenaient pas indépendamment. La, walakin laha uluhiyya ala jihat as-sabab. Mais donc ils ont donc comment ça s'appelle, une adoration, d'accord? Donc ils se mettent à les mettre au rang de divinité, d'accord, dans la cause qu'ils sont en train d'émettre, d'accord, que ce soit l'intercession ou le rapprochement d'Allah Azzawajal. تعبد لكن لأنها واسطة ليست آلهة مستقلة. Donc pourquoi elle est adorée? Parce que c'est un intermédiaire. Donc ils le prennent en intermédiaire entre eux et Allah Azza wa Jal. Ils ne le prennent pas comme ça indépendamment. ولهذا قال جل وعلا. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit: جعل الآلهة إلها واحدة. Donc ce que disent les polythéistes lorsqu'ils répondent au prophète qu'il leur est envoyé, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La traduction du sens du verset: réduira-t-il les divinités à une seule? Donc dans Sourate Sad, verset 5. فإنهم يعتقدون أن هذه آلهة وصائت على جهة القربة والشفاعة. Donc ils croient, ils ont cette ferme croyance, donc que ces divinités-là qu'ils adorent en dehors d'Allah sont des intermédiaires dans le but de quoi? D'être rapprochés d'Allah et de recevoir l'intercession. D'accord? الشفاعة في الكتاب والسنة في النصوص نوعان شفاعة منفية L'intercession dans le livre d'Allah et la sunna de son envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est de deux. Eh bien, dans les textes, elle est de deux types. Une qui est niée et une autre qui est confirmée. C'est ce qu'on trouve dans les textes, hein, dans le livre d'Allah, le Coran et la sunna. Donc, une qui est niée, une qui est confirmée. Shafa'a al-manfiya, donc l'intercession qui est nié. Comme ذكر الإمام رحمه الله. Comme l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a rappelé. Qu'est-ce que l'intercession niée? L'intercession niée, هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. شفاعة في مغفرة الذنب ممن لا يملك ذلك. Donc, c'est quoi l'intercession niée? Eh bien, c'est l'intercession dans ce que seul Allah Azza wa Jal peut faire. L'intercession dans ce que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Il la demande à autre qu'Allah. Ça, c'est l'intercession qui est niée. Eh bien, c'est comme demander que les péchés soient pardonnés. Seul Allah Azza wa Jal peut faire cela. Donc, si quelqu'un va demander à autre qu'Allah une chose que seul Allah Azza wa Jal peut faire, eh bien ça c'est une intercession qui est niée. Parce que الشفاعة بمعنى طلب الدعاء. Parce que la shafa'a c'est quoi l'intercession? Hein? C'est la demande. Donc l'intercession c'est quoi? C'est la demande, c'est l'invocation. Shafa'a يعني talaba. D'accord? Intercéder c'est demander. L'intercession, c'est la demande. Donc, et celui qui est demandé, soit c'est quelqu'un de vivant et qui est présent, d'accord? Soit c'est quelqu'un de mort. والحي الحاضر في الدنيا أو في عرصات القيامة جاءت الأدلة بجواز طلب الشفاعة منه كما جاءت بذلك النصوص الكثيرة. Donc, eh bien, il dit le Cheikh Salah al-Sheikh Hafizullah, il dit, eh bien, pour celui qui est présent, qui est vivant, d'accord, qui est vivant, présent dans ce bas monde, ou bien lors du jour de la résurrection, d'accord, eh bien, les preuves sont nombreuses dans cela, qu'il est permis donc de la demander à celui qui est vivant et qui est présent, ou bien lors du jour de la résurrection. D'accord? Donc, lorsque, eh bien, on sait les différentes narrations dans cela, lorsque les gens se mettent à demander à tel prophète, le jour de la résurrection on parle, hein, à demander à tel prophète d'intercéder en leur faveur, et chacun dira, nefsi, nefsi, yani, je dois me préoccuper de moi-même, parce que chacun, eh bien, il dit qu'il ne peut pas, jusqu'à ce que ce soit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui pourra intercéder par la permission d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, pour celui qui est vivant et qui est présent dans ce bas monde, ou bien lors du jour de la résurrection, eh bien, il est permis de la demander. D'accord? Mais on ne la demande pas à quelqu'un qui est absent, qui se trouve dans un autre pays. D'accord? La shafa'a, c'est la demande, on est bien d'accord. Eh bien, pour qu'on comprenne bien, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Lorsqu'on dit « il est permis de demander à quelqu'un qui est vivant », Parce qu'on avait vu que l'intercession, c'est la demande. D'accord? On la demande à quelqu'un qui est vivant et qui est présent. Si je dis par exemple à un frère, eh bien, peux-tu me donner telle ou telle chose? Ou peux-tu m'aider? D'accord? À faire telle ou telle chose. Il est présent, il peut m'aider à faire telle ou telle chose. D'accord? Parce que lui, il est en capacité de le faire. D'accord? Il peut m'aider, me donner à manger ou bien m'aider à porter telle chose, etc. Mais dire, par exemple, un tel, fasse que, eh bien, donne-moi la réussite, par exemple, à mon examen, j'en sais rien. Mais lui, il ne peut pas donner comme ça la réussite. Qu'est-ce qu'il va te faire? Qu'est-ce qu'il va te faire? Il ne peut pas faire que tu vas voir, ou bien pardonne-moi mes péchés. Lui dire pardonne-moi mes péchés. Il ne peut pas le faire. Seul Allah Azzawajal peut le faire. Ou donne-moi le paradis. Il ne peut pas le faire parce que seul Allah Azzawajal peut le faire. Ou bien si tu lui dis intercède pour moi le jour de la résurrection, eh bien, il ne pourra le faire que si Allah Azzawajal l'accepte. Et si Allah Azzawajal l'a permis. D'accord? Donc, pour quelqu'un qui est vivant et qui est présent, eh bien, il peut, ou bien lors du jour de la résurrection, d'accord? Il est permis donc de demander à cette personne-là. Amma al-mayyit, tandis que le mort, d'accord? Fa'innahu laysa fi dar amal. Donc, il n'est pas dans ce bas monde-là, où est-ce qu'il peut faire, il peut interagir. Wa laysa fi dar talab. Et il n'est pas dans l'endroit où est-ce qu'on peut lui demander. Parce que là, il est mort, il n'est pas au jour de la résurrection, et il n'est pas dans ce bas monde. Donc il est dans la vie du barzakh, là. C'est le temps d'attente qu'il y a entre la mort et le jour de la résurrection. Donc il est dans ce cas-là. وَلَيْسَ عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالْمَكَانَ الَّذِي يُطْلَبْ فَيُعْطَى مَا طَلَبَهُ. Et il n'est ni devant Allah Azzawajal, où est-ce qu'il peut être demandé. Hein, il peut être demandé. Et donc là, où est-ce que là, effectivement, il est auprès d'Allah Azzawajal et donc il peut être demandé. Il n'est pas du tout là. Le mort, il est au niveau du barzakh, d'accord? Il n'est ni dans ce monde-là, il n'est ni dans le jour de la résurrection. Donc, walakin tutlub ash-shafa'a min Allah jalla wa ala. Donc là, ce qu'il y a, c'est que la shafa'a, l'intercession, on la demande qu'à Allah Azzawajal, mais on la demande pas à ce mort-là. D'accord? On la demande pas à ce mort-là. Le mort, il est mort, il peut rien faire là. Il est en attente du jour de la résurrection. Donc il est strictement interdit de la demander à ce mort. D'accord? Donc l'intercession qui est niée, c'est celle dont Allah Azzawajal, d'accord? Celle dont Allah Azzawajal a nié, donc, dans son livre. Kama fi qawlihi jalla wa ala, comme dans sa parole. Ma lidh-dhalimina min hamimin wa la shafi'in yuta'. Dans la traduction du sens du verset 18 de Sourate Ghafir, les injustes n'auront ni ami zélé, ni intercesseur écouté. Wa kama qala ta'ala, wa la shafa'a wal kafiruna humu dh-dhalimun. Dans Sourate Al-Baqara, verset 254, la traduction du sens du verset, ni intercession, et ce sont les mécréants qui sont les injustes. وكما قال جل وعلا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. La traduction du sens du verset 51 de sourate Al-An'am, et ils n'auront en dehors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. ونحو ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. Et donc il y a d'autres encore plusieurs versets qui donc invalident cette intercession qui est niée. D'accord? هذه الشفاعة المنفية. Cela est l'intercession qui est niée. هي الشفاعة التي تكون من غير إذن الله. C'est quoi l'intercession niée? C'est celle qui est sans la permission d'Allah, pour être plus précis. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تكون من غير إذن الله. L'intercession niée, c'est l'intercession qui n'est pas avec, qui est sans la permission d'Allah. Wala rida, qui est sans la permission d'Allah et sans l'agrément d'Allah. C'est ça l'intercession niée, celle qui est sans la permission d'Allah et sans l'agrément d'Allah. وتكون وتكون بطلانها ممن لا يمكن من ذلك. Et le fait qu'elle soit niée et invalide, c'est parce que elle est demandée à quelqu'un qui n'a pas reçu la permission d'Allah Azzawajal, d'une part, qui n'a pas reçu l'agrément d'Allah Azzawajal, et qui n'a pas le pouvoir ou la possibilité de la faire. Parce qu'elle ne se fait que par permission d'Allah Azzawajal. طلب ذلك من ميت مهما كانت درجاته فإنه لا يمكن من ذلك لم يمكن أن يطلب الشفاعة. Donc, le fait de la demander à un mort, le mort, peu importe le degré qu'il avait dans ce bas monde-là, peu importe si c'était, je ne sais pas moi, un savant, un homme très pieux, un homme vertueux, etc. D'accord ? Peu importe le degré qu'il avait dans ce bas monde-là, lorsqu'il est mort, lui, il ne peut pas répondre, d'une part. Lorsque les gens les invoquent, il ne peut pas entendre. Et même s'il l'entendrait, il ne peut pas répondre. Il n'a aucune possibilité d'intercéder, parce que l'intercession ne se fait que par la permission d'Allah. Et Allah Azza wa Jal ne permet qu'à celui pour qui il agrée ses paroles et ses actes. D'accord ? Donc ce mort-là, eh bien, il n'a pas la possibilité, il est mort. Donc il est mort, il est en attente du jour du jugement dernier. Donc ce n'est pas possible donc, de la demander à un mort. D'accord ? Et donc c'est ça l'intercession qui est niée. وَلِهَذَا يَكُونْ طَلَبَ الشَّفَاعَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. C'est pour cela que l'intercession, elle doit être demandée à qui? Elle doit être demandée à Allah, Azza wa Jal. On la demande à Allah. Lorsqu'on demande une chose, c'est une adoration. Le fait de demander, d'invoquer, hein, une chose que seul Allah, Azza wa Jal, peut faire. Lorsqu'on demande une chose que seul Allah, Azza wa Jal, peut faire. Ou qu'elle ne se fait que par la permission d'Allah. Ça, c'est une adoration. Donc, et on sait que l'invocation, c'est l'adoration, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ad-du'a huwa al-ibada ». L'invocation, c'est l'adoration, comme de ce hadith qui est authentique. Donc, l'intercession, c'est quoi? C'est celle qui est demandée à Allah. « Wa hadhihi hiya ash-shafa'a an-nafi'a ». Et c'est celle-là, l'intercession qui est bénéfique. « Ash-shafa'a al-muthbata ». L'intercession qui est confirmée. « Wa hadha istatrada min ash-shaykh » Rahimahullah fi bayan ma'na ash-shafa'a al-haqqa. C'est pour cela que le cheikh est passé donc de l'intercession qui est niée à celle confirmée. On comprend bien ici que, on le rappelle souvent, on ne connaît une chose que si l'on connaît son contraire. Donc pour comprendre ce qu'est l'intercession confirmée, on doit déjà savoir aussi, hein, on doit comprendre aussi ce qu'est l'intercession niée. L'intercession niée, celle qui est demandée à autre qu'Allah, dans une chose que seul Allah Azza wa Jal peut faire, d'accord? Et ceci est l'intercession qui est niée. Parce que seul Allah Azza wa Jal peut le faire, et seul à Allah Azza wa Jal on peut demander l'intercession, d'accord? On n'est pas là le jour de la résurrection, où est-ce que un individu peut demander à un prophète d'intercéder. Ou bien, dans ce bas monde-là, demander à quelqu'un qui peut faire humainement une chose. On est d'accord. Parce qu'on se rappelle, l'intercession, c'est la demande. Donc on comprend c'est quoi l'intercession niée, celle qui est demandée à autre qu'Allah dans une chose que seul Allah Azza wa Jal peut faire. D'accord. Et la demander à autre qu'Allah, alors que ce mort-là ou cette créature-là ne peut intercéder que par la permission d'Allah. Donc ça, ce genre de demande-là et d'intercession, c'est l'intercession qui est niée, d'accord? Et donc là maintenant, le shirk passe à l'intercession qui est confirmée. Intercession confirmée, il dit c'est celle qui est demandée à Allah Azza wa Jal. D'accord? Fi bayan ma'na ash-shafa'a al-haqqa. Donc là, il montre le shirk, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimallah, quelle est l'intercession véridique. Wa rad ala alladhina ta'allaqu bish-shafa'a al-batila. Et c'est une réponse, une réfutation à ceux qui se sont accrochés à l'intercession qui est niée. Wa tafsiluha ma'ruf fi mawdi'ihi min kitab at-tawhid. Et donc le détail de cette intercession confirmée est détaillé, et la réfutation aux gens qui se sont accrochés à l'intercession qui est niée, eh bien, c'est détaillé dans le livre du Tawhid, Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, wa min kutub ahl sunnah fi shafa'a. Et donc, on le trouve aussi dans les livres des gens de la sunnah concernant l'intercession. Mulakhas dhalika anna shafa'a. Donc, pour résumer, c'est que l'intercession confirmée, anna shafa'a al-muthbata, hayya allati tawaffarat fiha ash-shurut ash-shar'iyya. L'intercession confirmée, c'est celle qui réunit toutes les conditions légiférées. Wa a'zam hadhihi ash-shurut, et la plus grande de ces conditions, shart al-idhn war-rida, c'est la condition de la permission d'Allah et de l'agrément d'Allah. Donc l'intercession confirmée, c'est celle qui réunit toutes les conditions légiférées, et parmi les plus grandes conditions, c'est la condition de la permission d'Allah et de l'agrément d'Allah. Al-idhn lish-shafi' an yashfa, la permission qu'Allah Azza wa Jal donne à l'intercesseur pour qu'il intercède. Donc il faut qu'il y ait la permission d'Allah qu'il donne à l'intercesseur pour qu'il intercède. War-rida 'an ash-shafi' war-rida 'an al-mashfu' lahu. Et qu'Allah Azza wa Jal, donc, et l'agrément d'Allah Azza wa Jal sur celui qui intercède, et l'agrément d'Allah Azza wa Jal pour celui qui est intercédé. Donc, il faut qu'il y ait la permission d'Allah et l'agrément d'Allah. La permission d'Allah à l'intercesseur pour que l'individu devienne intercesseur et qu'il intercède, d'accord? Et il faut également qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de celui pour qui il a permis qu'il intercède. Mais également, il faut qu'Allah Azza wa Jal, il faut qu'il y ait la condition qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de celui qui pourra bénéficier de l'intercession. قال جل وعلا, Allah le Très-Haut a dit, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Dans sourate An-Najm, verset 26. Dans la traduction du sens du verset 26, donc de sourate An-Najm, et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien sinon qu'après qu'Allah l'aura permis, donc là la condition de la permission d'Allah, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis en faveur de ce qu'il veut et de qui il agrée. On se rappelle les conditions: permission, agrément d'Allah. Permission d'Allah, agrément d'Allah. C'est ça l'intercession confirmée. Il faut qu'il y ait la permission d'Allah et l'agrément d'Allah. Et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis en faveur de qui il veut et de qui il agrée. D'accord? Et l'autre preuve, c'est également, on le trouve dans Sourate Al-Baqarah, le verset 255, dans la traduction du sens du verset: qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Vous voyez? Donc la condition de la permission. Et la permission de la satisfaction de l'agrément d'Allah Azza wa Jal. وقال جل وعلا, يا الله عز وجل دي, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. La traduction du sens du verset 28 de sourate Al-Anbiya, les prophètes, et ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'il a agréés. Et ils n'intercèdent qu'en faveur, c'est-à-dire ceux qui auront reçu la permission d'Allah et l'agrément d'Allah pour qu'ils intercèdent, ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'Allah a agréés. D'accord? Wa qala, et Allah Azza wa Jalla dit, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Donc dans sourate Az-Zukhruf, le verset 86, mais je vais le dire dans la traduction du sens du verset, en fait le verset dans sa totalité pour qu'on comprenne. Inch'Allah, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, yani ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de celui qui aura témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Donc, l'intercession confirmée, c'est celle qui est bénéfique. Mais elle sera bénéfique dans, en ayant comme condition la permission et l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Rida an shafa, l'agrément d'Allah en faveur de celui qui va intercéder, wa an yakun mimman shahida bil haqq wa huwa ya'lam, qu'il fasse partie de ceux qui ont témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Wa rida an al mashfu' lah, et bien sûr qu'Allah Azza wa Jal agrée celui qui bénéficiera de l'intercession, bi'an yakun min ahl at-tawhid, c'est-à-dire que celui qui pourra bénéficier de l'intercession, il faut que ce soit quelqu'un dont Allah est satisfait de lui, qu'Allah agrée, et qu'il fasse partie des gens du pur monothéisme, du tawhid. D'accord ? ولهذا ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Donc comme cela a été confirmé dans le Sahih, dans les hadiths authentiques, que Abu Huraira رضي الله عنه, qu'Allah soit satisfait de lui, a demandé au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك. Ô envoyé d'Allah, qui est plus en droit de recevoir ton intercession? Aouqala, ou bien il a dit dans une autre version, ou bien il a dit, Man as'ad an-nas bi shafa'atik yawm al-qiyamah, qui sera donc le plus heureux, littéralement le plus heureux, qui sera donc le plus heureux de ton intercession le jour de la résurrection? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qala laqad alimtu annahu lan yas'alani ahad qablaka. Je savais que personne ne me questionnerait avant toi. Limma a'lamu min hirsika 'ala al-hadith, de ce que je sais de toi en ton enthousiasme pour le hadith. As'ad an-nas, le plus heureux des gens, bi shafa'ati yawm al-qiyamah. As'ad an-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Le plus heureux des gens qui pourront donc bénéficier de mon intercession le jour de la résurrection, eh bien, sera celui qui a dit nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, sincèrement de son cœur ou de son âme. D'accord. قال العلماء, les savants ont dit, معنى قوله أسعد الناس, le sens de le plus heureux des gens, voilà ce qu'aurait écouté cette faïda, ce bénéfice-là des explications des savants de la sunna. Lorsqu'on lit أسعد الناس, le plus heureux des gens, يعني سعيد الناس, c'est-à-dire celui qui sera heureux. D'accord. ففعل التفضيل هنا ليست على بابها في المفاضلة, في المفاضلة. Donc c'est pas que, eh bien, lui, il sera le plus heureux, ça veut dire qu'il y en aura d'autres qui seront heureux, mais ils ne seront pas autant heureux que lui, il est heureux. Ça ne veut pas dire ça. As'ad an-nas ici, c'est-à-dire, ce sera lui qui sera heureux. Lui qui sera heureux. D'accord? Il dit, il avance une preuve en fait, d'un verset, dans Surat al-Furqan, verset 24. كقوله جل وعلا, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Dans la traduction du sens du verset, les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure et au plus beau lieu au repos. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit والنار ليس فيها مقيل حسن. Et l'enfer, il n'y a pas de beau lieu au repos. Donc, on comprend ici pourquoi le cheikh avait dit ça. Concernant le hadith, As'ad al-Nas, c'est-à-dire celui qui sera heureux là. C'est pas il est plus heureux que quelqu'un d'autre qui est aussi heureux. D'accord? C'est-à-dire il sera heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour cela qu'il a mentionné en fait ce verset-là de Sourate al-Furqan, le verset 24. Les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure. Ça ne veut pas dire qu'il y a une demeure en enfer, dans le feu, qui est bonne, et donc que celle du paradis est meilleure. Non. C'est que c'est celle du paradis qui est meilleure, qui est la bonne demeure. Et au plus beau lieu au repos. C'est pas qu'il y a un lieu en enfer qui est un beau lieu, et puis qu'au paradis c'est plus beau lieu. Non, c'est que c'est juste au paradis. Ça veut dire que c'est restreint au paradis. D'accord? فإذا الشفاعة إنما هي لأهل الإخلاص. C'est-à-dire que l'intercession, qui pourra la bénéficier, c'est réservé à qui? Aux gens qui sont sincères. Shafa'at al-Nabi alayhi salatu wa salam, wa shafa'at al-Malaika, wa shafa'at al-Salihin, wa shafa'at al-Ulama yawm al-Qiyamah, innama hiya li ahli al-Ikhlas, wa ahli al-Ikhlas yatlubunaha min Allah. Dis bien, qui pourra donc bénéficier de la shafa'a du prophète, de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'intercession des anges, de l'intercession des vertueux, de l'intercession des savants le jour de la résurrection, eh bien, cela est réservé aux gens de la sincérité. Et les gens de la sincérité, ils demandent l'intercession à Allah. Fayaqul al-mukhlis. Donc, le sincère, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: Allahumma shaffa'a fiyya rasulika sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Le sincère, qu'est-ce qu'il dit? Il invoque Allah. Il dit: Ô oh Allah, fasse que ton envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, intercède en ma faveur le jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'il dit le sincère? Il dit: Allahumma shaffa'a fiyya malaikatik. Ô Allah, fasse que tes anges intercèdent en ma faveur. Allahumma shaffa fi al-ulama wa salihin. Ô Allah, fasse que les savants et les vertueux intercèdent en ma faveur. Le sincère, il invoque qui? Il invoque Allah. Allahumma shaffa fi ibadak alladhina tuhibbuhum wa yuhibbunaka. Wa nahwi dhalika min al-alfaz. Qu'est-ce qu'il dit, le sincère? Il invoque Allah. Ô Allah, fasse que tes serviteurs, ceux qui t'aiment et que tu aimes, intercèdent en ma faveur. Et donc, ce genre de prononcer cela, l'invocation, on ne la fait qu'à Allah, on invoque qu'à Allah, on ne demande qu'à Allah, Azzawajal. Tandis qu'on voit, barakallahu fikum, que ceux qui adorent les tombes et les vertueux, donc ceux qui sont morts, d'accord? Et qui demande l'intercession, ou bien comme on trouve dans les livres de Jamaat al-Tablir, dans un de leurs livres de Fadail Amel, qui est écrit: Va à la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit: Ô envoyé d'Allah, intercède en ma faveur. D'accord? Ces gens-là n'ont rien compris du tawhid. Ces gens-là n'ont rien compris du tawhid parce que invoquer autre qu'Allah, c'est du polythéisme majeur qui annule et invalide l'islam de l'individu qui le pratique. Et Allah Azzawajal n'est pas satisfait de celui qui invoque ou adore autre qu'Allah. Il n'est pas satisfait de cela. À qui est réservée l'intercession? Elle est réservée aux gens de la sincérité. Pensez-vous, comme disait le cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, lorsqu'il expliquait ce hadith-là, de celui qui dit sincèrement de son cœur, La ilaha illallah. Pensez-vous sincèrement que celui qui dit La ilaha illallah de son cœur, en étant sincère, qu'il comprend ce que ça veut dire et ce que ça implique et ses conditions, pensez-vous que cet individu-là va délaisser les prières? Ou pensez-vous que cet individu-là va associer ou demander aux morts et à ceux qu'ils disent qu'ils se sont des awliyas? C'est un wali. Et il va le demander, et lui, il croit qu'il fait quelque chose de bien. Mais attends, on respecte les awliyas en allant les voir. Pensez-vous que Quelqu'un qui dit La ilaha illallah sincère de son cœur peut commettre ses plus grandes injustices. Non. Quelqu'un qui dit cela sincère de son cœur, c'est celui qui ne s'en remet qu'à Allah, qui n'invoque qu'Allah, qui se soumet entièrement à Allah Azzawajal, qui est sincère dans son suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, barakallahu fik, mais on va terminer avec cela, inshallah. C'est ce qu'il dit le cheikh, Salih al-Sheikh Hafidhullah, il dit donc l'intercession elle est réservée aux gens de la sincérité qui la demandent qu'à Allah Azzawajal. Fa tutlab al-shafa'a min Allah Jalla wa ala. Wa la tutlab al-shafa'a min al-makhlouq. Donc l'intercession, on la demande à qui? On la demande à Allah le Très-Haut. On la demande pas aux créatures. L'imam, pourquoi? Li'anna al-shafa'a talab. Parce que l'intercession, c'est une demande. Al-shafa'a talab al-du'a. C'est la demande. L'intercession, c'est la demande hein, de l'invocation. إذا قال استشفع s'il a dit intercède pour moi يعني أطلب منك الدعاء c'est-à-dire je demande de toi l'invocation أطلب منك رفع حاجتي je demande de toi que tu élèves mon besoin auprès d'Allah Azzawajal ce que j'ai besoin ce que je demande. Il va le demander à autre qu'Allah en espérant que celui-là, il va aller le dire à Allah. Allah Azzawajal a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il n'a pas dit passez par un tel ou un tel. Ça, c'est de l'associationnisme majeur qui annule l'islam de l'individu. Donc, lorsque l'intercession et la demande, alors l'intercession devient une forme d'adoration. Fasara talab ou da'wa ghayr Allah shirkan akbar. C'est-à-dire que celui qui va demander à autre qu'Allah une chose que seul Allah Azzawajal peut faire. Il va demander l'intercession à un mort ou demander, d'accord, invoquer autre qu'Allah. Eh bien cela est de l'associationnisme majeur. Lihadha naqul. C'est pour cela que nous disons طلب الشفاعة من غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله يعني من الأموات ونحو ذلك فإن هذه الشرك أكبر لأنها دعاء والدعاء يجب أن يكون مخلصا فيه لله جل وعلا. Donc il dit le cheikh pour terminer cette deuxième règle, حفظه الله, il dit, c'est pour cela que nous disons que la demande de l'intercession D'accord? La demande de l'intercession à autre qu'Allah. Dans une chose que seul Allah Azzawajal peut faire, c'est-à-dire la demander à un mort ou la demander à un vivant qui ne peut faire que seul Allah, que uniquement ce que. Yani, demander. Donc, demander l'intercession à autre qu'Allah. Dans ce que seul Allah Azzawajal peut faire, parce que seul Allah Azzawajal peut donner l'intercession et peut permettre à un tel d'intercéder, si Allah Azzawajal est satisfait de celui qui pourra intercéder et qui lui a donné la permission, et qu'il est satisfait de celui qui pourra recevoir l'intercession. Vous voyez, la satisfaction et la permission, ce sont les deux conditions de l'intercession. D'accord? Donc celui qui va la demander à autre qu'Allah, par exemple il va la demander à un mort ou autre chose dans ce sens-là, eh bien cela c'est de l'associationnisme majeur. Pourquoi? Parce que invoquer, parce que la demander c'est une invocation. Et l'invocation, elle doit être sincère et elle doit se faire sincèrement uniquement à Allah Azzawajal seul. Ça veut dire que tu dois être sincère en ne demandant qu'à Allah. L'invocation, c'est l'adoration. Tu ne dois le demander qu'à Allah Azzawajal. T'en remettre qu'à Allah en étant sincère dans cela. Et comme nous avons vu, hein, les différentes formes d'invocation, tu demandes à Allah, Oh Allah, fasse que ton envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, intercède en ma faveur le jour de la résurrection. Oh Allah, tu invoques Allah. Oh Allah, fasse que tes anges intercèdent en ma faveur. Oh Allah, fasse que tes savants et tes vertueux intercèdent en ma faveur. Tu invoques Allah. Parce que seul Allah Azzawajal peut faire ce qu'il veut, et puis l'invocation, de toute façon, elle doit être réservée qu'à Allah Azzawajal. Seul, comme Allah Azzawajal dit dans Sourate al-Jinn, قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا, dit j'invoque Allah, j'invoque mon Seigneur et je ne, c'est-à-dire Allah, j'invoque mon Seigneur et je ne lui associe personne. J'invoque mon Seigneur et je ne lui associe personne. Parce que invoquer autre qu'Allah, c'est associé à Allah. Barakallahu fikum. Donc on s'arrête ici. On a terminé l'explication de la deuxième règle pour aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons commencer donc la troisième règle. جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.